toutes et à tous. Nous sommes lundi 17 décembre. Nous sommes en direct de la bulle. Eh bien, c'est sur Radio Guémozo que vous nous écoutez, branché au 107 FM. Peut-être que vous nous écoutez via Internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous. Et aujourd'hui, eh bien, nouveau voyage bien lové au sein de la douceur de la bulle. Et notre invitée qui prend place et s'installe aujourd'hui avec nous n'est autre que Marina Petit-Demange, que j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui. Marina, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Lia, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, je suis très heureuse de revenir ici. Eh bien oui, c'est vrai que tu étais déjà passée dans une bulle précédente pour nous expliquer un petit peu ce que tu faisais. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, j'ai eu l'impression. Oui, hein, oui, oui. Énormément de choses. Donc on va parler de tout ça bien tout au long de cette émission. Alors tu es auteur émotion et bien-être, si je m'exprime bien ainsi. Oui, oui, c'est un peu la définition en fait, que je vais donner à mes écrits, ouais. Pour pas forcément parler de guidance écrite à chaque fois. D'accord. C'est une autre connotation. C'est vrai. Mais en réalité, voilà, j'essaie d'emmener le lecteur à la recherche un peu de ses émotions, à la découverte de ses émotions. C'est un voyage intérieur. Et oui, ça c'est très important parce que grâce à des gens comme toi qui proposent ce genre de choses, on peut essayer, en tout cas on est sur la bonne voie pour essayer de se rencontrer soi-même, et ça c'est très très important. C'est ce qui me semble être le plus important en fait dans la vie, de pas forcément d'aller à chaque fois à la rencontre des autres, mais au moins de temps à autre de rester un peu centré en soi, pas forcément sur soi mais en soi, pour savoir qui on est et du coup ce qu'on peut faire avec les autres. Et oui, parce que justement quand on commence à se rencontrer, à se connaître, c'est bien plus facile d'avoir des relations positives avec tous ceux qui nous entourent. Oui, oui, en fait, moi je fais partie de ceux qui croient que beaucoup de choses viennent de nous-mêmes, pour pas dire tout en fait. Et j'essaie d'accompagner les gens dans ce relationnel de qualité où à un moment donné, il va bien falloir prendre sa responsabilité. Et si par exemple on est dans des situations répétitives, se demander pourquoi et surtout comment on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on peut en comprendre, qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait. Il y a un trésor à chaque fois et il me semble que ce trésor, on va le trouver en soi. Mais oui, ça c'est... Alors moi je suis parfaitement d'accord avec toi parce que je pense exactement comme toi et j'espère qu'on pourra toucher certains de nos auditeurs. Et puis il y en a déjà qui nous écoutent et qui sont sensibles déjà à ce mode d'expression et de vie aussi. Se rencontrer soi-même, c'est très très important. Être bienveillant avec soi-même, s'aimer de façon inconditionnelle pour vivre au mieux. Et puis tout en découle après, c'est plein de cadeaux de la vie, mais au final tout ça vient de nous, parce qu'on génère une certaine énergie positive avec tout ce qu'on vit, et puis on amène plein de belles choses à soi. Oui, c'est ça, en fait c'est aussi une question d'énergie. Souvent on va nous parler en fait des petites phrases positives, de l'impact des phrases négatives, et puis pour certaines personnes ça ne peut être vu que comme des mots, du langage, quelque chose d'abstrait. Et comment ça pourrait avoir un impact, ce que je dis par exemple, comment ça pourrait avoir un impact dans ma vie? En réalité, évidemment, si je dis quelque chose, c'est que je le pense avant, donc j'ai déjà employer une partie de mon énergie à penser quelque chose. La problématique, c'est effectivement que l'être humain a plusieurs dizaines de milliers de pensées par jour. Mm-hmm. Donc, il y en a énormément qui sont totalement inconscientes. Et heureusement, dans un sens, parce que sinon, on serait très, très vite fatigué. On ne tiendrait pas une heure, quoi. En fait, ce serait une surcharge mentale épouvantable. Et dans cette charge inconsciente, au niveau de nos pensées, il y a des choses qui ne nous appartiennent même pas, en plus. Tu parles de l'ego ? Oui, ça peut être une partie de l'ego, en fait, qui est constituée de la personnalité de n'importe qui, en fait, mais aussi des mémoires familiales, des mémoires familiales inconscientes, ou même, on va dire, des mémoires inconscientes de façon générale, parce que on peut se construire par rapport à ce que nos éducateurs nous ont transmis dès la première année d'école, en fait. Pour ceux qui sont beaucoup dans le sport, à un moment donné, ils vont écouter leur coach, qui peut devenir aussi une personne référente dans le mode de pensée. Et en fait, on peut aussi retrouver dans le physique de chaque personne, donc dans la matière, dans le concret, une sorte de résultat, en fait, des pensées de chacun. Et ça a été modélisé par Lise Bourbeau, une auteure québécoise, qui part, elle, en fait, de la nature spirituelle de l'être, de sa qualité de pensée, et puis qui allie tout ça au monde des émotions. Donc moi, c'est vrai qu'une grosse partie de mon travail découle aussi de cette école. C'est l'alliance entre les pensées et les émotions, et essayer de s'aligner au maximum à ce qui nous semble être confortable, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous convient en termes de pensée. Maintenant, parfois, il y a des choses qui peuvent a priori nous convenir, parce que justement l'ego va y trouver sa zone de confort. Par exemple, ne pas aller vers la nouveauté. Donc il y a des gens qui vont dire, eh bien de toute façon, dans telle situation, on a toujours fait comme ça, on ne voit pas pourquoi on changerait. Sauf qu'en fait, au fil des années, évidemment, on n'est plus sur les mêmes générations. On peut le voir dans le modèle de l'éducation, par exemple, à l'école. Évidemment, aujourd'hui, on ne va pas prendre en compte un enfant comme s'il était né dans les années 1950. Enfin, normalement, non. J'espère pas. Voilà. Mais en fait, ça peut se retrouver dans toutes les parties de la vie de chaque individu. Et l'ego, souvent, on va lui demander de se taire. On va le sortir de notre vie, enfin, ou essayer le sortir de la pièce. Mais en réalité, c'est une partie de nous-mêmes. Donc, c'est comme si on disait, tiens, moi, j'ai une main droite, je la trouve pas très jolie. Allez, je m'en sers pas. Je la laisse de côté tout le temps. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on va se priver de quelque chose qui est en nous. Et si c'est en nous, si ça fait partie de nous, c'est pas pour rien. D'accord. Alors, à mon sens, l'ego, c'est bien, en fait, de l'observer, de le comprendre, de comprendre les mécanismes intérieurs, et donc savoir, effectivement, qu'il peut être nourri par tout un tas de phénomènes extérieurs qu'on va plus ou moins absorber, en fait. D'accord. Et après, c'est la... je dirais, c'est l'importante remise en question. Et le tri, souvent on nous dit qu'il faut faire le tri au printemps, j'ai envie de dire non, il faut le faire peut-être pas tous les jours, mais... Faut pas laisser l'accumulation, en tout cas, se faire, parce qu'autrement, le tri est plus important. Oui, autant faire un petit peu attention à soi et à tout ce qui se passe autour de nous, même si on peut peut-être pas le faire tous les jours, mais peut-être qu'on peut s'aménager une petite plage horaire dans sa journée quand même pour y penser. Oui, souvent les gens vont alléguer le manque de temps. Et en réalité, ça peut prendre 2 ou 3 minutes chaque jour de s'observer. Et alors, tout le monde peut avoir plein de très très bonnes excuses, en fait, pour ne pas avoir le temps. Parce que prendre le temps de s'observer, c'est aussi partir sur le chemin du changement. Oui. Ou peut-être sur l'idée de renforcer le déni. Et du coup, si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, par exemple, ça peut être dans le relationnel sentimental. Si la personne se rend compte que finalement, elle n'est pas avec la bonne personne, à un moment donné, si elle a fait cette constatation, soit elle passe à l'action pour aller vers son bonheur et se libérer d'une chaîne, soit elle va fermer les yeux, mais du coup elle va se remettre des chaînes supplémentaires. Alors on peut prendre 2-3 minutes, souvent moi je dis à certaines personnes, en fait, simplement dans la douche. Mais oui. Être en pleine conscience. En fait, le moment de la douche, qu'il soit quotidien ou pas pour les gens, c'est un moment où on est seul avec soi-même. On est là pour prendre soin de soi, on est dans l'hygiène. Finalement, pourquoi on n'y serait pas également dans les émotions ? Tout à fait. Et regarder un petit peu ce qui se passe en soi et se dire, ok, là je viens de traverser une période, par exemple, on peut le faire démarrer une fois par semaine, puis petit à petit ramener l'exercice à une fréquence quotidienne. Et en général, les gens qui font réellement cet exercice, en fait, d'observer leurs émotions, savoir... en fait, si c'était agréable ou pas, ce qu'on a vécu, sans aller dans l'analyse performante forcément, mais au moins se connecter au caractère agréable des choses ou désagréable. Mmh. Et à ce moment-là, pareil, c'est comme l'ego. Si ça a été désagréable, ne pas le mettre de côté. Se dire, ok, moi, c'est normal, je suis comme tout le monde. Dans ma vie, je traverse des expériences qui ne sont pas amusantes, qui ne sont pas agréables. Et maintenant, que puis-je mettre en place pour justement aller vers des choses de plus en plus agréables, en fait. Oui. On prend un petit peu de recul. Moi, j'ai appris à, voilà, quand je ressens une émotion, d'essayer de m'observer comme si j'étais spectateur de ce que je ressens. Quand on met un mot, que l'on sait l'émotion qui nous traverse et qu'on peut essayer de savoir pourquoi ça nous traverse, déjà, c'est un grand pas en avant. Parce que, voilà, si on subit sans vraiment savoir ou prendre le temps de comprendre ce qui se passe, là, risque de se faire une accumulation. Et pourquoi c'est si important de faire ce travail et de connaître ses émotions? En fait, ça permet d'être soi-même, d'être dans sa propre créativité. Alors la créativité, c'est pas seulement les loisirs créatifs qui sont très à la mode depuis quelques années, ou par exemple comme moi je le fais dans l'écriture, voilà. En fait, c'est trouver un peu, je dirais, la raison de sa venue sur Terre. Chaque être est un individu à part entière, et quand on observe des personnes dont on va dire qu'elles ont une énergie plutôt positive et qu'elles ont l'air plutôt épanouies dans leur vie, en réalité, on se rend compte que ces personnes-là font ce qu'elles aiment. Mmh. Et elles ont réussi à un moment donné, en dépit des conventions sociales, familiales, professionnelles ou amicales, elles ont réussi à retourner vers elles-mêmes et à braver certains défis, parce que c'est pas forcément évident tout le temps de sortir d'un moule, en fait, un moule qui a été réalisé par la société pour... en fait, pour, on va dire, canaliser un maximum de gens dans une direction précise. Mmh. Et c'est pas évident à chaque fois de se dire, bon, allez, là, je suis dans le moule, je ne suis pas, ou je ne suis pas dans le moule. Qu'est-ce que je fais en plus de cette réponse une fois que j'ai posé la question? Quelque part, c'est je suis en train de me réveiller ou de m'éveiller à moi-même. Et... que peut-on faire de ces éléments qu'on va trouver? Donc, on peut trouver dans le champ émotionnel, dans le champ spirituel. En fait, il y a plusieurs portes d'entrée. La recherche peut être très, très variée, mais le résultat, à mon sens, c'est quand même le bonheur de la personne. Et dans des temps un petit peu moroses, comme on peut l'avoir en fin 2018, oui. Je trouve que c'est encore plus important que chacun aille puiser en fait dans sa créativité. Donc, c'est-à-dire aussi être un petit peu dans la confiance en soi. On démarrera toujours par un petit peu de confiance en soi. On ne va pas tous commencer par être Bouddha et puis mettre des choses formidables en place, quoi. Et souvent, les gens, malheureusement, se disent « Bon, bah allez, de manière très, très exigeante et très professionnelle, bon, bah, j'ai démarré une thérapie, il faut qu'en une heure, tout soit terminé. » Les gens sont pressés, oui. Voilà. Et c'est comme quand je zappe devant la télévision, j'ai décidé que j'aurai un autre programme. Donc là, je veux une autre programmation de vie. En réalité, il faut d'abord démarrer, à mon sens, par se déprogrammer. D'accord. Aller chercher à l'intérieur de soi tout ce qui ne nous convient pas. Et par exemple, parfois en thérapie de couple, on peut voir des gens qui ont été mariés pendant 20 ans et qui osent enfin se dire pourquoi ça ne va plus. Et parfois, c'est simplement que, en fait, ils n'aimaient pas manger la même chose. Mmh. Ça a démarré comme ça, ils n'osaient pas le dire. Et puis après, il y a eu tout un tas d'accumulation, justement. Mmh. Et on se dit quand même, ne pas aimer les mêmes plats... c'est quand même pas d'une importance capitale. Non, c'est sûr. Et justement, ça peut amener des mondes complémentaires, c'est se faire découvrir aussi des choses différentes. Mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, il faut tolérer la différence et accepter que l'autre ne va pas être celui qui va nous nourrir, celui qui va nous faire sentir complet, mais c'est celui qui va nous montrer, en étant lui-même, qu'on peut être aussi soi-même. C'est tellement bien dit que là, voilà, C'est tout à fait ça. voilà. Donc tu fais un grand travail d'écriture, mais pas que. Hein. Tu proposes des ateliers et oui. plein de choses. On va voir ça tout de suite après notre première bulle de son, si tu le veux bien. Donc tu nous as concocté toute la playlist de cette bulle spéciale Marina Petit Demange et tout ce que tu proposes. On commence par Faune avec le titre Federkleid. J'espère que je l'aurais bien prononcé. Oui, mon allemand est très très lointain, mais je l'aurais dit à peu près comme ça aussi. Alors pourquoi tu as choisi ce son ? Est-ce qu'il réveille quelque chose chez toi ? Alors en fait, je suis d'une nature hypersensible, hypersensitive, et donc je suis extrêmement sensible à l'environnement sonore. Et chaque son en fait réveille en moi, comme chaque mot, un monde très particulier. Et en fait, j'arrive à sentir le monde de création de l'artiste. Donc soit ça résonne et c'est très bien, soit ça ne passe absolument pas. Je suis souvent en recherche d'harmonie. Et là, par exemple, je disais que mon allemand est assez lointain, donc je ne comprends pas toutes les paroles. Je les ai cherchées néanmoins pour savoir un peu quand même quel est le message qui m'appelle. Oui. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce groupe, c'est qu'on est sur quelque chose qui, à mon sens, ramène aux racines, qui est joyeux. C'est un peu le domaine celtique aussi. Il y a beaucoup de spiritualité chez eux. Et d'accord. Ils sont un peu marginaux. Ils sont reconnus dans plein de domaines. Mais disons que ce n'est pas forcément la musique extrêmement commerciale. Voilà, on va dire. Ça, c'est parfait. Voilà. Alors, on écoute ce titre tout de suite et on se retrouve juste après. sie wissen, kann sie sehen. Wir tanzen im Fluge, die Sterne, die ihre Wege ziehen. Komm und fliege mit uns fort, lass den Wind dich tragen, weit fort von diesem Ort. Komm und flieg, so hoch du kannst, lass uns die Himmel jagen im Tanz. Nous sommes toujours dans la bulle avec aujourd'hui eh bien Marina Petit-Demange avec multiples casquettes, notamment celle eh bien, d'auteur. Mais alors, ce n'est pas des mots comme les autres. Toi, tu soignes avec les mots. En tout cas, c'est le message que tu nous fais passer. Et puis, moi, je te suis un petit peu sur ta page Facebook, même beaucoup, je dirais. Et j'adore parce que tu fais toujours justement des jeux de mots avec des mots décomposés, mais qu'on peut lire d'une autre façon. C'est super ludique, mais en même temps tellement parlant. Raconte-nous un petit peu comment tu fais pour écrire et qu'est-ce que tu passes par l'écriture justement. Alors, c'est assez difficile parce que c'est complètement intuitif. Oui. En fait, toute ma partie, je dirais, professionnelle d'écriture et de transmission par les mots vient spontanément. Alors, j'ai toujours eu un attrait pour la littérature et l'écriture depuis toute petite. J'étais très heureuse si on m'offrait un dictionnaire. Bon, j'aimais bien les poupées aussi, mais du coup, j'aimais bien avoir le dictionnaire plus les poupées. D'accord. Et en fait, c'est moi, ce qui m'éclatait, c'était d'aller découvrir justement des mondes particuliers et différents dans ces dictionnaires, etc. Donc, je comprends maintenant que j'avais déjà une sensibilité en fait particulière au langage et ce caractère intuitif qui pouvait m'emmener vers la découverte de mondes intérieurs en fait. Et je dirais que durant tout mon parcours scolaire et puis dans les études universitaires, ça a toujours été très présent aussi. Enfin, je suis passée par les lettres modernes, voilà. Mais je savais pas tellement ce que j'allais faire de tout ça. J'aimais bien la littérature, j'aimais bien lire les autres, j'aimais bien être critique, comprendre les mécanismes. Et puis un jour, j'ai osé en fait passer de l'autre côté, finalement, montrer ce que j'écrivais, donc et aussi guider les autres pour justement oser être soi. Donc ça, c'était passé par la création et l'animation d'ateliers d'écriture sur Internet il y a une dizaine d'années pour des adultes. D'accord. Et puis justement, en fait, on ressentait le sensible dans les écrits de chacun. Donc ça, c'était très intéressant. On se faisait beaucoup de retours les uns les autres. Et finalement, on avançait en équipe comme ça. Parfois, j'avais même l'impression de ne plus être l'animatrice. J'étais simplement quelqu'un qui écrivait voilà, comme les autres. Il y a eu une deuxième phase, en fait, dans l'écriture. C'est à partir du moment où, justement, je suis allée chercher en moi ce qui ne me convenait plus et que j'ai décidé de garder ce qui me convenait. Donc ça, c'était il y a quelques années. C'était au terme d'un parcours où je m'étais tellement éloignée de moi que je ne me supportais plus, en fait. Hein. Souvent, c'est ça. À un moment donné, on ne supporte plus ce qu'il y a dans sa vie. Et puis, on cherche des réponses à l'extérieur. Mais au final, ça m'a ramenée vers moi. Je me suis découverte réellement et là je me suis dit mais c'est pas possible en fait de pas écrire et de pas le partager et en réalité oui effectivement j'écris tous les jours donc en fait comme je canalise beaucoup d'informations, que je suis hypersensible en travaillant malgré tout mon ancrage pour être alignée en fait, stabilisée, au minimum dans les émotions et dans les énergies, j'arrive à capter en fait de façon intuitive les mots qui peuvent apaiser les gens. D'accord. Donc au début, quand on m'a renseigné sur ma mission de vie, parce que chaque être humain a une mission de vie particulière sur Terre, donc c'était il y a quelques années, quand on m'a dit que ma mission de vie c'était le soin par les mots, moi au début ça m'a fait peur, parce que je me suis dit... folle comme je suis des études et de l'apprentissage régulier, bah là je vais reprendre pour 5 ans d'études alors que je m'étais déjà réinscrite en fac et tout, et je me disais je vais avoir un triple cursus et pourtant j'ai mon job salarié à côté, et je voyais pas quoi faire de l'information. D'accord. Et la personne que je suivais à l'époque qui était énergéticienne me dit mais si, je te confirme, c'est le soin par les mots. Et je lui dis mais comment je fais en fait je ne vais pas envoyer des cartes postales aux gens. Je ne voyais pas. Et pour moi, c'était psychologue ou psychiatre, enfin, ou un truc comme ça. Quoi. Et elle me dit, mais remets-toi dans ton écriture. Ton écriture et pas la guidance des autres dans leurs écrits. Reviens vers toi et tu ne te poseras plus de questions parce que tu auras trouvé, en fait. Et sur le coup, je me suis dit, en fait, elle m'expédie un peu facilement vers un truc qu'elle ne connaît probablement pas. D'accord. Au final, je pense qu'elle connaissait très très bien son affaire, peut-être même un peu trop bien pour pouvoir tout me dire, et il fallait que je découvre par moi-même certaines choses, parce que c'est ça aussi dans le parcours individuel, c'est que c'est pas l'autre, même s'il est miroir, qui va tout faire à notre place, on peut nous guider, mais à un moment donné, c'est l'expérience personnelle, pardon, qui peut être professionnelle aussi d'ailleurs, mais c'est vraiment... l'individu en tant que tel qui doit commencer à savoir quelle voie emprunter. Et donc moi, à partir du moment où je me suis remise dans l'écriture véritablement pour moi, alors déjà j'ai changé en fait un peu de ton, pas vraiment de style, parce que j'ai toujours eu ce style assez vif, ludique et enjoué. Un petit peu d'humour aussi. Voilà, mais après c'était... en fait, ça allait avec mon niveau émotionnel. Oui. Donc plus je me retrouvais, plus j'étais dans la joie. Et en fait, j'en suis arrivée naturellement à écrire sur le relationnel de qualité, l'amour de soi, mais qu'on partage avec les autres. Donc c'est vrai que des fois, il y a des gens qui me disent « mais c'est un peu à l'eau de rose tes histoires ». Et oui, parce qu'en fait, inconsciemment, c'est fait pour guider les gens vers l'amour de soi. Et l'eau de rose, oui, c'est quand tout est bien, qu'on est dans le bonheur, dans la joie. C'est vrai. Voilà. Et je crois qu'en fait, tout le monde aspire à une belle histoire, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe. Mais tout le monde aspire à vivre que de belles histoires. Et oui. Sauf que personne, ou presque personne, n'ose le dire. Parce que ça peut faire mièvre, ça fait eau de rose. Et puis surtout, fleur bleue. Voilà. Et puis surtout, ça nécessite de se confronter à son ego, qui justement est en train de juger et de dire, écoute, je vais te mettre un cadre. Tu vas voir, toi, tu mets de la rondeur partout, du sentiment. Et puis, moi, par exemple, on aurait pu me dire... et ça aurait pu former mon ego comme ça, que par exemple les sentiments, non, il ne faut jamais en parler. Ce côté fleur bleue, j'ai entendu l'expression dans ma famille, effectivement. Alors fleur bleue, c'était la pire des insultes en fait. Hein. La personne est fleur bleue. Ah bah là, elle avait raté sa vie. Mais en fait, ça venait de personnes qui n'osaient pas se connecter à leur propre champ émotionnel, reconnaître que c'était des personnes qui avaient de la créativité. En fait, c'est des personnes à qui on n'avait pas dit qu'elles avaient autant de valeur que les autres. Au final, c'était surtout ça. Et moi, ce que j'essaie de transmettre dans mes écrits, ou d'une manière générale, avec ma présence partout, ou quoi que je fasse, en fait, c'est ça, c'est... La joie d'être soi, effectivement, ça nécessite du travail. C'est pas, moi, j'estime que je suis en développement personnel depuis quelques années. Et par exemple, l'adolescente que j'étais ou la jeune adulte que j'étais il y a quelques années, je peux pas dire que je conseillerais à tout le monde d'être comme ça, mais je peux pas dire non plus que j'en suis pas fière. Mmh. C'est une partie de moi. Si j'étais pas passée par ces expériences-là, aujourd'hui, je ne réaliserais pas à quel point il est important d'être dans une émotion qui soit teintée de respect aussi, etc. Et c'est un peu tout ça, en fait, qui se mélange. inconsciemment dans mon écriture. Et parfois, enfin même très souvent, je sens que voilà, j'ai une sorte de besoin impérieux d'aller écrire quelque chose. Alors Facebook est génial pour ça. Oui. Je balance le texte, je ne sais pas pour qui c'est. Il y a des gens qui se manifestent et me disent « Mon Dieu, ton texte m'a touchée, c'est ma vie. » Et ben, je suis heureuse parce qu'ils ont osé le dire. Je suis heureuse pour eux. Moi, ça me montre que mon travail a été bien réalisé. Mais d'un autre côté, il y a plein de personnes, je sais, qui vont lire le texte, mais qui ne vont pas oser dire à quel point ça les a touchées. Et en réalité, elles ont lu le texte. Et même si elle reste silencieuse, c'est ça aussi qui est très important. Oui. Donc en fait, c'est beaucoup dans le partage. C'est comme si j'avais connaissance inconsciemment, intuitivement, on va dire, de certaines histoires. Et je suis là pour les passer dans un micro, quoi, en fait. Je connais ça. Voilà. Je connais ça. Est-ce qu'on peut retrouver certains de tes écrits ? Est-ce que tu as des ouvrages où on peut te lire ? Ou est-ce que vraiment ton écriture, elle reste pour certains ? Comment ça se passe ? Alors, il y a différentes formules. Cette année, justement, j'ai lancé une formule de guidance par email. En fait, ce sont des emails individualisés, des emails hebdomadaires. En fait, c'est 52 € la formule, voilà, des 52 emails. Et la personne, en fait, va recevoir de la guidance émotionnelle et plus ou moins énergétique. En fait, ça dépend de ce que je peux ressentir au moment où, en gros, je pense à la personne, voilà, par rapport à son abonnement. Et puis, il y a un texte plus ou moins court que je vais lui adresser par email. Ça, je dirais, c'est la formule un petit peu commerciale. Oui. Quoi, voilà. Après, il y a donc la formule sur Facebook qui, là, est en accès libre. J'ai aussi un site internet qui a une partie blog où j'essaie de mettre aussi régulièrement des textes parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne passent pas du tout par Facebook. Mmh. J'ai remis en service mon ancien blog qui a une bonne douzaine d'années. D'accord. Mais en fait, j'ai procédé quand même à un tri parce qu'il y avait des choses qui ne me semblaient plus aller dans le sens où moi j'ai envie d'aller aujourd'hui. Oui, ça évolue. Voilà. Et donc, cet autre blog, j'ai plus du tout l'adresse en tête, mais on le retrouve en fait sur la page Facebook, mon site professionnel. Cet autre blog est plus un blog d'écriture. Donc pareil, là c'est en distribution gratuite. Et c'est vraiment quand j'ai envie d'écrire un truc et que je sais que ça va être une page où j'ai mis un feuilleton en place. Voilà. Et puis, j'ai écrit 3 livres. Alors, c'est en auto-édition pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'en fait, là, je me suis un petit peu bougée pour sortir de ma zone de confort et aller à la rencontre de nouveau des maisons d'édition. D'accord. Donc, en fait, ce sont des livres qui sont, on va dire, plutôt dans la mouvance feel good. Donc, quelque chose qui nous fait du bien. C'est écrit de façon à ce que ça puisse toucher chacun des lecteurs. Et en fait, il n'y aurait que les prénoms à changer, finalement, pour se retrouver dans sa propre vie, quoi, en fait. D'accord. Et de la façon dont j'écris, c'est aussi la mise en place, on va dire, d'un déblocage émotionnel. Alors parfois, oui, il y a des gens qui me disent « finalement, moi je reste bloquée là pendant une semaine sur la page 70 ». Oui, parce que la page 70, il y a probablement quelque chose qui traverse l'inconscient de la personne, qui ramène à la surface une charge émotionnelle. Et en fait, ce sont des livres aussi qui peuvent être lus, je dirais, de façon classique, hein, finalement. Mais c'est du développement personnel de façon romancée. D'accord. Où trouve-t-on ces ouvrages ? Alors, auprès de moi directement. D'accord. Ou alors sur Amazon. Oui. En fait, j'ai une boutique en ligne sur Amazon. Et puis là, depuis une huitaine de jours, on les trouve dans la ville de Bruyères, chez Vibre Harmonie, Angélique De Bruyne, qui est donc elle plutôt spécialisée dans l'accompagnement par les massages en termes de bien-être, et qui met à disposition une jolie petite boutique, en fait, avec plein de vitrines, et qui elle met en exergue, en fait, les les partenaires locaux qui sont plus ou moins dans le bien-être quand même, enfin quand même plus que moins pour la plupart, voilà. Il y a l'artisanat local, voilà. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut trouver chez elles. Ça peut aller du collier avec une jolie pierre, à la bougie... enfin, différentes bougies, voilà. Et puis, donc, depuis une huitaine de jours, il y a mes livres qui sont chez elle. D'accord. Aussi. D'accord. Voilà. Bah, c'est intéressant. Oui. Très intéressant. Alors, tu proposes également plein d'autres choses, comme des ateliers. Mais avant d'en parler un petit peu plus précisément, j'ai l'impression que cette émission va passer à toute vitesse. Oui. On va s'écouter notre deuxième bulle de son, celle que tu as préparée pour nous. Une chanson de Diana Krall, California Dreaming. J'espère que j'aurai bien encore une fois prononcé ce titre. Pourquoi tu as choisi ce titre toujours pareil? Parce que, voilà, émotionnellement, intuitivement, ça t'a donné envie? Oui, voilà. En fait, pour beaucoup de choses dans ma vie, enfin, je dirais même pour 99% des choses, tant que je suis pas Bouddha, j'arrive pas à 100%. Et en fait, 99%, c'est l'ego qui dit ouais, c'est bon, tu es sur le bon chemin. Donc, vraiment, pour beaucoup de choses dans ma vie, j'y vais de façon intuitive depuis quelques années. Et si je me sens bien avec ce que je fais, ce que je dis, et que ça ne met pas mal à l'aise à la personne en face, et ben c'est super, je continue, voilà. Et donc sur la musique, ben j'ai cette même idée, mis à part que Diana Krall, je dirais qu'elle m'accompagne depuis une bonne dizaine d'années. D'accord. Et c'est amusant parce que à l'époque, j'étais donc installée en région parisienne, avec énormément de stress, dans une relation qui n'était pas forcément hyper amusante. D'accord. Et puis, en fait... il y avait des moments de déstress commun qui passaient par Diana Krall. Ah oui. Et petit à petit, j'ai appris en fait à connaître tout le monde très très vaste de cet artiste. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'en fait, au fil de mon évolution, elle fait partie des quelques rares artistes qui restent en fait dans ce que j'aime. Alors j'aime beaucoup sa voix. Il y a vraiment une chaleur, une présence. Elle est beaucoup dans la reprise, presque exclusivement en fait dans la reprise. C'est le monde du jazz. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'elle peut reprendre en fait des choses qui sont vraiment dans un moule très particulier. Je pense que les gens vont reconnaître assez facilement la chanson. Oui. Et en même temps, elle amène beaucoup de chaleur et de douceur. Qui lui appartient. Voilà. Et donc, elle arrive à tout mélanger. Enfin, voilà, je trouve qu'elle fait des mix magnifiques. Eh ben, c'est super, on va écouter ça tout de suite. Et on se retrouve juste après. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming. Such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. Such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today, California dreaming on such a winter's day, on such a winter's day, on such a winter's day. Waouh, bulle de son pleine de chaleur. Merci beaucoup Marina de nous avoir apporté ce son ici dans la bulle, spécialement eh bien, pour parler de tout ce que tu nous proposes. Moi, j'adore, je pense qu'à mon avis, je vais réécouter ça très souvent. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup à toi de nous avoir fait connaître ça pour ceux qui ne le connaissaient pas, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, voilà. On ne sait jamais. Oui. Alors, on va un petit peu parler de ce que tu proposes. Donc, je le disais juste avant, donc tu proposes des ateliers, notamment ceux que tu proposes pour les enfants, les adolescents, des ateliers philo. Oui, alors ça c'est assez nouveau. En fait, je suis en formation auprès de la Fondation Sève, qui a été cofondée par Frédéric Lenoir, donc un grand philosophe français contemporain, qui est, je dirais, qui est naturellement, enfin, ou qui est, oui, si on l'écoute, lui dit qu'il en est venu ou revenu à la bienveillance, en fait. Et il a donné une touche personnelle et nouvelle aux ateliers philo qui existent quand même depuis plusieurs décennies. Oui. C'est pas nouveau. Mais là, la nouveauté qui m'appelle vraiment, c'est de mêler, en fait, les connaissances qu'on peut avoir en neurosciences, oui. Qui nous donnent donc un éclairage nouveau sur l'enfant, l'adolescent, oui. Et puis les adultes qu'ils vont devenir. Donc, en gros, l'idée, c'est comment... l'idée qui m'anime, c'est comment apporter, en fait, ma compréhension des choses au monde. Qu'est-ce qu'on peut partager avec les gens. Et... par mon parcours, en fait, d'hypersensible, il y a plein de choses que j'ai expérimentées qui n'ont pas été forcément très faciles. Quand on est débordé par les émotions et puis qu'on n'arrive plus à parler ou des choses comme ça, alors qu'en plus on connaît la bonne réponse, ou alors encore un débordement émotionnel et on sort une terrible connerie alors que on savait très très bien ce qu'il fallait dire, etc. On est au moins deux hypersensibles dans ce studio. Voilà. Donc. Espérons qu'on ne perde pas nos moyens. Tout va bien. Mais alors. Moi, voilà, c'est toujours ça qui m'anime, en fait, ce que j'ai traversé. Et en fait, comme je suis heureuse dans ma vie, comment je peux permettre aux autres de comprendre qu'ils peuvent le traverser aussi, mais il y aura peut-être des passerelles plus faciles, etc. Et là, avec les ateliers philosophie et pleine présence donc de la Fondation Sève, je commence à avoir un petit peu ma réponse, en fait, de ce que je peux apporter aux enfants. Alors moi, j'ai mes ateliers propres, les lutins créatifs. Oui. Donc c'est loisirs créatifs. Si on a le temps, on fait un peu de cuisine. Et puis gestion des émotions, initiation à la relaxation, on va jouer avec les tambours chamaniques. Tout ça, c'est pour les enfants. Voilà, c'est pour les enfants, les adolescents, et en fait, c'est pour les amener à prendre conscience de toute la richesse de leur fort intérieur, de l'individualité aussi, des idées. Oui. Et parfois, c'est vrai que j'étais confrontée à quelque chose qui m'embêtait un peu, c'est la gestion de la différence dans les idées. Et là, en fait, avec ce qui est mis en place au niveau de la Fondation Sève, je trouve qu'on nous permet d'aborder vraiment avec plus de facilité cette gestion des différences. D'accord. En fait, évidemment, on nous forme à quelques notions de base de la philosophie, la pleine présence, tout ce qui est bienveillance avec les neurosciences. Et la Fondation Sève, en fait, Sève, c'est comme la sève de l'arbre. Donc, on est dans un esprit de croissance, croissance bienveillante. On apporte en fait notre savoir aux enfants et ils exploiteront tout ça. Mais SEF, c'est savoir être et vivre ensemble. D'accord. Et c'est l'idée aussi, moi, qui me plaît beaucoup parce que je crois que c'est un peu la base de toute chose. le relationnel, mais le relationnel de haute qualité et dans le respect de l'individualité. Et oui, tout à fait. Alors avec nous, vient de nous rejoindre Marius, notre stagiaire, qui est lui-même adolescent. Qu'est-ce que ça apporte, ces ateliers philosophiques aux enfants? Qu'est-ce que tu penses que ça ouvre chez eux? Alors, là, j'ai déjà démarré, en fait, parce que moi, comme j'ai des idées, je ne peux pas m'empêcher de passer à la pratique assez rapidement. Je crois que si j'allais voir un psychiatre, je serais diagnostiquée TDAH aujourd'hui, mais ça va, je suis adulte, alors ils n'ont plus d'étiquette à me mettre. En réalité, en passant à la pratique, j'ai compris que ce qu'on leur apporte, c'est l'acceptation du silence, le temps de la réflexion, et être au calme. Alors j'ai failli dire et en paix, mais ça va peut-être se travailler un petit peu au fil des semaines, mais être au calme avec soi-même et apprendre aussi à se partager la parole, à écouter l'autre. Voilà, on essaie de les mettre dans l'écoute active et puis surtout à être en confiance avec soi-même, mais aussi vis-à-vis du groupe qui normalement doit être dans la bienveillance. Mais en fait, voilà, on fait démarrer les ateliers par de la pleine présence. D'accord. C'est ce qu'on appelle aussi la mindfulness. Quand on est présent à soi-même, qu'on est conscient de ce qui se passe en fait dans son corps, on va être beaucoup plus à l'écoute. On est moins en projection, en fait. On est moins à l'extérieur de soi. Et finalement, c'est l'ego qui va faire sa sieste. C'est un peu ça, quoi. Donc là, du coup, avec les enfants, c'est très, très bien. Et on peut faire ça avec des tout-petits. Il y a des collègues qui vont faire ça avec des maternelles et tout. Et oui, ça, c'est génial. Et en fait, la philosophie, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec des tout-petits? Bon, les adolescents, on se dit, oui, d'accord, ça va les collégiens, ça va les préparer un petit peu et tout. Et en réalité, même avec des tout-petits ou des collégiens, l'important, c'est de les considérer comme un interlocuteur valable. Mais oui. De partir du principe qu'ils ont au moins autant d'idées valables que l'adulte. Tout à fait. Et qu'ils ont également les moyens d'exprimer tout cela. Et à ce moment-là, en fait, l'animateur est juste là pour rappeler les règles du savoir-être et vivre ensemble. On ne va pas couper la parole, il y a un bâton de parole qui se distribue, c'est selon les méthodes, mais en gros, c'est un peu ça l'idée. Oui. On se partage le temps de parole et on leur apprend aussi, on les amène à être dans une posture d'observation. Observation de la création de ses propres idées, comment je les argumente, mais sans jamais vouloir convaincre. Et c'est oui. Juste prendre la parole pour exprimer ce que je ressens, ce que je pense, et au final, après, je me détache de ce que je viens de transmettre, peu importe si les autres ne sont pas d'accord. Moi, il faut que je reste fière de ce que je viens de faire, quoi. Un petit coup d'assertivité. Oui. Voilà, oui, c'est ça. On devrait tous apprendre ça dès le plus jeune âge. Oui, voilà. Ouais. Alors, dis-nous en plus sur ces ateliers. Est-ce qu'il y en a bientôt? Où? Quand? Comment? Oui, alors, j'en fais de façon bénévole parce que dans le parcours de formation, il y a une partie de bénévolat. Et puis moi, de toute façon, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, le bénévolat. Donc, j'ai toujours au moins 10% de mon temps qui est réservé au bénévolat. D'accord. Donc là, par exemple, demain, j'ai mon deuxième atelier. C'est dans le cadre du périscolaire, en fait, dans un petit village à côté de chez moi. Mmh. Donc là, je démarre à la cantine avec eux. Je les amène à la pleine présence à la cantine. Oh, c'est génial. Donc là, on va explorer les cinq sens. Et puis après, on prend un temps ensemble pour vraiment mettre l'atelier philosophie en place. Ouais. Et puis, il va y en avoir à la médiathèque de Bruyères. D'accord. À partir du mois de janvier. On va démarrer avec le thème des émotions. Eh oui. Il y en aura pendant les vacances de Noël, soit à mon cabinet à Gugnécourt, soit au centre équestre de Grange au Monzé, le Clos Yacari. Eh oui, que l'on salue. Oui. Bonjour Isabelle. C'est un endroit magique en fait pour ceux qui... Moi, ça me remplit toujours de beaucoup d'émotions quand je pense à cet endroit-là, parce que Isabelle est une personne qui donne beaucoup d'espace, de temps et de chance aux gens, en fait. Je ne sais pas si elle se rend compte de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle apporte aux autres, mais C'est un véritable bonheur, en fait, d'aller animer des choses, des ateliers différents dans sa salle à Pinès. Et oui. Voilà. Donc, et puis, j'interviens. Alors là, pour l'instant, on n'a pas encore les dates, mais il y aura probablement aussi des ateliers philo et pleine conscience. Donc, d'abord pour les enfants, les adolescents, on verra après pour les adultes, à la Manufacture Bio à Saint-Nabor. D'accord. Qui est un magasin donc, bio qui a ouvert il y a quelques mois, début septembre. Et en fait, ils ont un espace assez grand qu'ils mettent à disposition de différentes personnes pour qu'on puisse exposer nos pratiques et nos savoirs, en fait. Ça, c'est génial. C'est un espace ouvert, également aussi très chaleureux. Enfin, voilà, c'est des endroits magiques. Tout ce qu'on aime. Oui, exactement. Est-ce qu'on a le temps de se lancer dans notre troisième bulle de son avant la fin de cette émission ? On va en passer un petit bout parce que la musique est trop longue. Oui. Donc, c'est un son de Lorena McKennitt, c'est ça ? Oui. Avec Caravanes, oula, caca, je ne arriverai pas. Caravanserai. Voilà, merci Marina. Donc on écoute un petit bout de son que tu apprécies également particulièrement par toutes les vibrations qu'elle nous envoie, il me semble. Oui, exactement. Et puis on se retrouve juste après pour terminer malheureusement déjà cette émission avec toi. Oui. Mais bon, je pense que peut-être un jour tu reviendras. J'espère. Hein, bah oui, avec grand plaisir. Tu seras la bienvenue en tout cas. On écoute donc cette bulle de son tout de suite et on se retrouve juste après. This glancing light is like a morning star, setting sun on rolling waves at sea, a gentle breeze, a lightning in a storm, a dancing dream of all eternity. Shimmering in the morning light and dancing off the tunes of far away. The night held music so sweet, so long. And there we lay until the break of day. That morning at the onward call, a camel's brightened up a harness fall. The sun was rising in the eastern sky, just as we set out to the desert's cry. We're Et voilà pour ce petit bout musical, même si bon, ça, y a eu un petit mélange, hein, mais c'est pas grave. On aura profité quand même de cette voix merveilleuse et puis de ces instruments à cordes magnifiques que j'apprécie particulièrement. Donc merci encore à toi Marina, tu nous auras offert une belle playlist aujourd'hui. Voilà, et puis tu nous auras fait découvrir ton univers et encore une fois. Et je pense qu'on aura de cesse de se rencontrer parce que les émissions sont toujours trop courtes, donc je sais pas. Que tu reviennes, c'est obligatoire. D'accord, je prends l'abonnement avec plaisir. Pas de problème, ce sera avec plaisir de notre côté aussi. Alors, on peut te retrouver si on veut en savoir plus et qu'on veut te suivre, te rencontrer, prendre rendez-vous, je ne sais quoi, sur Facebook, mais pas que. Tu as aussi un site internet, marinapetitdemange.wixsite.com. D'inquiétude, je remettrai tous les liens avec le podcast de cette émission qui sera rediffusé ce soir à minuit minimum. Parfois, il y a d'autres diffusions, mais là, je ne sais pas. Donc, pas de souci. Si on veut prendre contact avec toi, on pourra le faire par ce biais. Tout à fait, oui. J'essaie de répondre assez rapidement, le plus rapidement possible, même si parfois ce n'est que pour du conseil en fait. D'accord. Voilà. Et puis de toute façon, une grosse partie en fait de mes écrits voilà, reste disponible donc soit sur mon compte Facebook, soit sur mon site internet. Et pour pas mal de personnes, ça constitue déjà une aide. Qui n'est pas forcément suffisante pour avancer véritablement, mais ça peut donner des pistes déjà. Voilà. Tout à fait. Si on veut retrouver tes romans, tes ouvrages, c'est sous ton nom ? Oui, oui, c'est sous mon nom. Je Marina l'assume complètement. C'est parfait. Ce sera plus simple pour retrouver tout ça. Marina Petit-Demange. Voilà, si vous voulez vous procurer ces livres, donc tu nous as un petit peu évoqué quelques sites tout à l'heure pour les retrouver. En tout cas, on peut aussi te contacter directement pour se les procurer si on en a envie. Quant à tous les ateliers que tu proposes, parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas eu le temps de nommer, on pourra les retrouver également sur ta page Facebook, où il y a toutes sortes d'événements qui sont annoncés, notamment pour les hypersensibles, les ateliers créatifs dont tu nous parlais tout à l'heure, les ateliers philo pour les enfants et les ados, etc. etc. Et puis, il y avait même une nouvelle dont je voulais parler, c'est-à-dire que bientôt, tu seras sûrement donneuse de voix, car tu vas faire une lecture enregistrée qui deviendra un livre audio. Oui, je démarre mercredi à Nancy. Eh ben bravo. Et je crois que ça, c'est mon cadeau de Noël que je me fais à moi-même. Ah bah c'est super. Vu le temps que je passe dans ma vie à lire, je me dis en même temps, je vais pouvoir le partager avec ceux qui justement ne peuvent pas passer tout ce temps-là pour différentes raisons. Il n'y a pas forcément que la vision qui peut leur manquer. Et j'espère qu'on va pouvoir aller dans des univers assez variés. Alors, bien évidemment, on me retrouvera pas dans la lecture du polar, d'un romançon. Je pourrais pas. Mais apparemment, il y a un choix très très vaste et voilà. Et comme je suis une boulimique de lecture, ça va aller. Bravo. Donc on pourra retrouver ta chaleur de voix sur un livre que tu liras. C'est vraiment super. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Je te remercie beaucoup d'être venue dans la bulle aujourd'hui pour nous parler de tout ce que tu proposes et puis un petit peu de ta vision des choses qui me semble très éclairé. En tout cas, vivez vos émotions, n'ayez pas peur de vous rencontrer pour aller vers le mieux. Il y a plein de bonnes choses qui peuvent vous arriver dans la vie, qui vous arriveront sûrement dans tous les cas si vous en avez envie et que vous faites un petit travail sur vous-même pour vous rencontrer. Déjà, ce sera un vrai premier pas. Et puis, si vous voulez en savoir plus et que vous voulez pousser le chemin plus loin, il y a des gens comme Marina et ses ateliers qui pourront vous y aider. Encore mille merci à toi et puis des très belles fêtes de fin d'année. Hein, merci à toi pour ton accueil, ta chaleur également, ton partage. Je t'en remercie. On va se souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Voilà. Très belles fêtes de fin d'année à tous, à tous nos auditeurs. Je vous fais un gros bisou. À lundi prochain pour notre émission spéciale Noël avec une grande partie de l'équipe de Radio Gémozo. Et puis en attendant, c'est comme tous les jours. Bonheur, joie et rire à tous.